Alors comme ça ils veulent que je nie tout. Je nie pas à la façon des ricains, à la façon du 9-300, à la façon des requins. On va foutre le foudroi. Mais t'es fou toi, tu ne sais pas que le 9-300 te foudroi. T'as vu la taille de mes cernes, c'est pour mes sauces que je décerne ce son. A montrer c'est pas sur un plateau qu'on sert les sous-sous. Si tu veux ça, pars à la Chine, mon trahir l'entreprise qui pagave les autos à la chaîne. Qui te nique ta race et qui va rien lâcher. Un son qui te dérace et ce même si t'en as rien à chier. Tu veux test mon treuil, mais si tu fais ça on te remet sur les rails du tromé. Même si chez toi c'est le tramway quoi. C'est le 9-3 que tu me chicanes. Ça se voit que tu connais pas, tu dois venir du Michigan. Demande aux gars du 93 qui leur passe par la tête. Ils te mettent une balle à fenêtre et te jettent par la fenêtre. J'avoue que je ne sais pas si mes histoires t'intéressent tous. Mais quand t'entends 9-300, va tu pars à la rescousse. Si le 9-3 se bataille, il va te marrer à votre escou. Tu sais que t'es bataille, alors avec tes potes tu restes cool. Eh, je suis pas là pour parler que mes boules crassent. Mais simplement pour te dire que le 9-300 ça fout le trace. À Montreuil, toi, et honte de test. Chez moi, on compte même plus le nombre de tests. Ripose pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, t'as rien à plus grave. T'es tellement jaloux, tu peux pas nous dire grave. Ripose pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, t'as rien à plus grave. T'es tellement jaloux, tu peux pas nous dire grave. C'est la cri-cri. Montreuil, Ligne 9, c'est l'Amérique. Crois pas que c'est l'Amérique. C'est la merde à croire que c'est la mer à voir. Tous les jours on aborde la mort, y'en a marre sur la mer à bras. On connaît pas nous, le Wall Street Center ici à Wallow. C'est pour ça que la street t'enterre. Je t'avoue que ce jaloux on a grandi comme ça je n'ai d'eau. J'en place une à ceux qui ont connu et senti Johnny Do. On a les gros manies, deuxième capital du Mali. Fait 55 ans, ça se couronne avec la Roumanie. 93, descend de son nid, c'est la Seine-Saint-Denis. Rappelle-toi Zan si tu saignes du nez. On se bat tous pour être tous bastos locos. Cours après les billets et supplier quand suis la bastos. Les éviter ce serait michto si on pourrait tous. Je ne veux pas squatter la mairie avec un porotos. On a la rage et c'est la dalle qui nous ronge. Si tu te sens intégré mais c'est le système qui te ronge. C'est la grille, les buts par en tir avec. J'ai tellement la haine que le but par en tir avec. Le rap c'est pas rentable et nous sur scène on veut partir avec. Des bars en donne, nous part en scène alors les petits raquettes. Alors les petits raquettes. Riposte pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, t'as rien à bigrave. T'es tellement jaloux que tu peux pas nous digrave. Riposte pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, t'as rien à bigrave. T'es tellement jaloux que tu peux pas nous digrave. C'est le code postal, connu de toute la France. Les cheveux se défrisent quand sort des phrases qui donnent la frousse. Car trop violent le département, non. Les débordements 93 sens, c'est trop stressant, t'en as des frissons. Même dans les informations, v'là la pression. Ne crois pas que c'est juste une impression. Des drogués, des alcooliques, trop de gens en dépression. Mais sur ta musique, le 93 fait ta répression. Attention pour les mecs en détention qui écoutent mon son en dansant, qui risquent de te mettre en sang. Normal, c'est du 9-300. Alors, ma petite gueule, est-ce que tu saisis Senza, le flow insensé. Chez nous, on ne compte plus les saisons. T'as raison, c'est le son qui fait péter le caisson, qui fait sauter ta maison. Et a dit que mon bloc était amusant. Que des racles ont camasé. À la belle, on va te ramasser. Si tu fais le fou, t'iras baiser ta race comme un nazi. Car par ici, ça pique grave des litrons. Les barrettes défilent dans tous les sens devant les guépicons. Manquerait plus que on entrave leur république. Quand il s'agit de chourave, ma ville n'est pas très pudique. Tellement de cités que je pourrais pas les compter sur mes doigts. Fais attention à toi si tu vois des condés sur les doigts. C'est pour tous les habitants de ma ville que je fais ce morceau. Les chineurs, les braqueurs, les pédaveurs et les mecs forts. Riposte pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, peut-être t'as rien à bigrave. T'es tellement jaloux, tu peux pas nous digrave. Riposte pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, peut-être t'as rien à bigrave. T'es tellement jaloux, tu peux pas nous digrave. Riposte pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, t'as rien à bigrave. T'es tellement jaloux, tu peux pas nous digrave. Riposte pas si t'as pas les couilles. C'est 93 sur ma gueule. T'es pas chez toi, ici t'es chez nous. T'as rien à dire, t'as rien à bigrave. T'es tellement jaloux, tu peux pas nous digrave. Riposte pas si t'as pas les couilles. Jean Moulin, Bélair, Espoir, Boissière, Robès, Moriba, Ruffin, Lanou, Fatcha, Grand Pêche, L'Amitié, 9-300 Montreuil.